Yeah. Let's get it. La nuit il fait noir, donc toutes les chattes sont grises. Elle a pris du poids, Igo, faut pas qu'elle maigrisse. J'vais lui faire des folies, sur mon dos y'aura ses griffes. Au volant du bolide, sans permis ni carte grise. Cheveux longs, oui, elle a se met en deux fois elle. Pour pas tomber du LI, il faut bien que je m'agrippe. Si, mamacita, si, mamacita, si, mamacita. En plein milieu de la nuit, elle m'a dit t'es où, viens me souper. Allô, j'ai répondu si je viens ton gajo, il va sauter. J'arrive, je l'ai laissé au télo, allongé sur le côté. K.O. Je l'avais prévenu, mais la go n'a pas voulu écouter. Ah, iyalele, tu n'as pas voulu écouter. Non non, iyalele, tu n'as pas voulu écouter. Non non, iyalele, tu n'as pas voulu écouter. Non non. Parce qu'elle sait que j'aime le rouge. Premier, deuxième round, elle dit qu'elle m'aime, qu'elle veut rompre. 3 heures sur ma Rolex, son mec s'appelle Alex. Alex, son futur ex, à la même heure sur sa Casio. J'suis dans la cista, prise mais la guita. Crie dans la bita, j'ai craqué sa lingerie. Si mamacita, si mamacita, si mamacita, j'vais te faire une dinguerie. En plein milieu de la nuit, elle m'a dit t'es où, viens me souper. Allô, j'ai répondu si je viens ton gajo,